Psaume 46. Cantique des enfants de Corée, donné au maître chantre, pour le chanter sur Alamoth. Dieu est notre retraite, notre force, et notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand on remuerait la terre, et que les montagnes se renverseraient dans la mer. Quand ses eaux viendraient à bruire et à se troubler, et que les montagnes seraient ébranlées par l'élévation de ses vagues, c'est là. Les ruisseaux de la rivière réjouiront la ville de Dieu, qui est le saint lieu où demeure le souverain. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donnera du secours dès le point du jour. Les nations ont mené du bruit, les royaumes ont été ébranlés, il a fait ouïr sa voix, et la terre s'est fondue. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une autre retraite, c'est là. Venez, contemplez les faits de l'Éternel, et voyez quels dégâts il a fait en la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre, il rompt les arcs, il brise les hallebardes, il brûle les chariots par feu. Cessez, a-t-il dit, et connaissez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une autre retraite, c'est là.